vendredi après-midi. Le papier. Le tabac. Le briquet. Et bonjour et bienvenue à cette émission Rock Classique. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les 4 prochaines heures. Aujourd'hui, c'est le 3e vendredi du mois, ce qui signifie que c'est spécial 3 pour 1 à l'émission Rock Classique. On va donc entendre tout au long de l'après-midi des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe. De plus, aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie du spécial Hard Rock et Heavy Metal. Question de souligner le premier festival de métal de Montréal. Je vais donc tenter de faire le tour de ces deux types de rock qui sévissent depuis une quarantaine d'années. La semaine dernière, je vous ai parlé des origines de ces styles musicaux dans les années 60 et 70 jusqu'au milieu des années 80. Cette semaine, dans la première partie de l'émission, on va un peu récapituler les débuts du Hard Rock et Metal. Par la suite, je vais vous parler de la segmentation de la fin des années 80 et les nouvelles tendances des années 2000. En plus de ça, je vais bien sûr vous présenter certains des groupes qui vont jouer en fin de semaine. On va entendre des artistes et formations qui ont contribué à forger les styles Hard Rock et Metal. On va entendre Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Kiss, AC/DC, Motley Crue, Metallica, Symphony X, Anthrax et évidemment Iron Maiden. De plus, je vais vous présenter deux groupes de métal britanniques très obscurs du début des années 80 au cours de la troisième heure. Je vais vous présenter le deuxième album de Tigers of Pantang ainsi qu'un groupe de métal belge qui mettait en vedette une femme, le quintet Acid, au cours de la troisième heure. Je vais aussi vous parler du tout nouvel album de Judas Priest, Nostradamus, dans la dernière demi-heure de l'émission. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Tout de suite, on débute avec un des plus grands groupes de toute l'histoire du rock. Led Zeppelin sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est fou! Thank you. Led Zeppelin, groupe unique et brillant qui a su mélanger le rock, le blues et le folk avec génie dans les années 70, le sommet du rock. On vient d'entendre un de leurs nombreux classiques, Black Dog, qui ouvre leur non moins classique quatrième album. Juste avant, on a entendu les deux pièces qui ouvrent le côté B de leur deuxième disque de 1969, Heartbreaker et Living, Loving Maid. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre. Aujourd'hui, c'est spécial le 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste. Et en plus de ça, aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie d'un spécial Hard Rock et Metal, dans lequel on survole ces styles musicaux qui sévissent depuis presque 40 ans. On va poursuivre avec un autre des groupes pionniers du métal, un des plus brillants et talentueux de l'histoire du rock. Deep Purple sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la seule station à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières, c'est fou! Like any time you'll see the light, the line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world. Taking toll. If you've been bad, oh Lord, I bet you have. And you've not been hit, oh, by a flying lead. You'd better close your eyes.

Le groupe qui a jeté les bases du métal et créé son esthétisme au début des années 70, Black Sabbath, avec la pièce-titre de leur cinquième album, Sabbath, Bloody Sabbath, paru en 1974. Juste avant ça, on a entendu la pièce Black Street Kids, pièce qui ouvre leur album Technical Ecstasy. Et au début du bloc, on a entendu leur classique Paranoid, la pièce-titre de ce non moins classique album, paru en 1970. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste. En plus de ça, aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie d'un spécial hard rock et metal dans lequel on survole ces styles musicaux qui sévissent depuis une quarantaine d'années. On l'a vu la semaine dernière et cette semaine aussi, le metal, ça a pas mal débuté en Angleterre dans les années 60. Mais aux États-Unis, on a commencé à voir surgir des groupes un peu plus musclés assez tôt, comme Vanilla Fudge, Blue Cheer, Grand Funk Railroad, Alice Cooper et Montrose, pour culminer dans les années 70 avec certains des groupes les plus importants de cette époque en matière de hard rock et de metal. On va écouter justement un de ces grands groupes des années 70, un groupe qui s'est directement inspiré de Alice Cooper pour ce qui est de l'aspect visuel, mais des New York Dolls pour ce qui est de la musique. Je parle de Kiss, bien sûr, sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. La radio des mélomanes de Trois-Rivières est la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! hanging above me. Girl, you know that we would always fight. You tried to change me and mess up my mind. Now don't rearrange me. And girl, you know that's why you're left behind. It's over now. On vient d'entendre la pièce Save Your Love qui clôture leur album Dynasty de 1979. Juste avant ça, on a entendu deux pièces tirées de leur troisième album Dressed to Kill. On a entendu Getaway, pièce chantée par Peter Criss. Et au début du bloc, c'était la pièce Room Service qui ouvre cet album de 1975. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, Rock Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste. Et en plus de ça, aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie d'un spécial hard rock et metal dans lequel on survole ces styles musicaux qui sévissent depuis presque 40 ans. Comme je l'expliquais la semaine dernière, à la fin des années 70, le rock était pas mal moribond. On avait l'impression qu'il y avait seulement des groupes de New Wave affreux qui sortaient ou des groupes de Corporate Rock FM. On avait l'impression qu'il n'y avait plus vraiment de vrais groupes de rock. Heureusement, il y avait un nom pour tenir le fort. ACDC sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. La radio des mélomanes de Trois-Rivières est la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! Love and mercy. knew it would. Surtout pas les rediffusions de Vidons la Dent la question. Le vendredi 9h, le samedi midi et le lundi 16h. Sur les ondes de C'est Fou 89,1 FM à Trois-Rivières. Tunisiana est fière d'ouvrir ses portes avec un concept unique. Couscous, tagine, poisson méditerranéen et grillade. Apportez votre vin et votre faim au Tunisiana, 3070 des Forges. Pour réservation ou événements spéciaux, 379-0123, Tunisiana. C'est tout, moi, c'est un portail d'information sur votre radio. Les actualités télévisuelles et les spectacles à voir absolument. C'est tout, moi, c'est le palmarès des concours forums. C'est tout, moi, c'est le site de radio universitaire le plus visité de la francophonie. C'est tout, moi, c'est la possibilité d'écouter vos émissions en ligne partout sur la planète. C'est tout, moi, c'est tout ça. C'est fou dans vos oreilles. ACDC, le groupe qui a ramené le vrai rock en force à la fin des années 70, début 80. On vient d'entendre Put the Finger on You, tiré de l'album For Those About to Rock de 1981. Juste avant ça, on a entendu Shake a Leg, tiré du plus grand classique de ACDC, l'album Back in Black de 1980. Et au début du bloc, on a entendu Love at First Feel, qui date de l'époque de Bon Scott et qu'on retrouve sur le deuxième album du groupe Dirty Deeds Done Dirt Cheap de 1976. Ils viennent de terminer l'enregistrement d'un nouvel album, apparemment le premier album en 8 ans pour AC/DC, le premier depuis Stiff Upper Lip qui est sorti au début de l'an 2000. Ça devrait sortir cet automne, ce nouvel album de AC/DC. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classique, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste. Et en plus de ça, aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie d'un spécial Hard Rock et Metal dans lequel on survole ces styles musicaux qui sévissent depuis presque 40 ans. L'autre vrai groupe de rock qui a gardé le flambeau du mouvement allumé à la fin des années 70, c'est un quatuor originaire de Pasadena, en Californie. Van Halen, à l'antenne de la radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières, c'est fou 89.1. Yeah.

qui ouvre leur troisième album, Women and Children First de 1980. Juste avant, on a entendu Light Up the Sky, la pièce qui ouvre la phase 2 de leur deuxième album de 1979. Et au début du bloc, on a entendu Feel Your Love Tonight, qui est paru à l'origine sur le premier album éponyme de Van Halen, sorti en 1978. Je vous rappelle que Van Halen ouvre le Festival d'été de Québec le jeudi 3 juillet prochain sur les plaines d'Abraham avec le flamboyant David Lee Roth. Ça devrait être absolument mémorable. Parmi les concerts à venir qui pourraient vous intéresser, mardi et mercredi 1er et 2 juillet, Steely Dan seront à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Dweezil Zappa et Adrian Belew seront au Festival d'été de Québec le dimanche 6 juillet. Le lendemain, Johnny Winter est à l'Impérial de Québec. The Ventures sont sur la scène Belle le lundi 7 juillet et le lendemain, ils sont sur la scène Molson Dry. Et ce même soir, le mardi 8 juillet, les Backrows sont au Metropolis. Stone Temple Pilots sera sur la scène Belle du Festival de Québec le jeudi 10 juillet. Le lendemain, le vendredi, ils seront au Centre Belle de Montréal. Crosby, Stills & Nash seront à la salle Wilfrid Pelletier le mardi 22 juillet. Testament sont à l'Impérial de Québec le lundi 4 août. Le samedi 9 août, Def Leppard sera au Colisée de Québec avec Billy Idol en première partie. Rod Stewart sera au Centre Bell le mercredi 13 août. Le 26 août, Finn Troll seront au Medley de Montréal et le lendemain, ils seront à l'Impérial de Québec. Nightwish sera au Metropolis avec Sonata Arctica le lundi 1er septembre. Halloween et Gamma Ray seront à la salle Albert Rousseau de Québec le jeudi 18 septembre et le lendemain, le vendredi, ils seront au Medley de Montréal. Amorphis, Leaves Eye, Samael et Virgin Black seront au Foufoune électrique le vendredi 3 octobre et finalement, Alice Cooper sera au Saint-Denis le mercredi 15 octobre. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste. Et en plus de ça, aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie d'un spécial hard rock et metal dans lequel on survole ces styles musicaux qui sévissent depuis une quarantaine d'années. Après Alice Cooper, Aerosmith, Kiss et Van Halen, le groupe suivant à avoir laissé sa marque sur le rock américain, c'est un quatuor de Hollywood en Californie, un groupe qui est en vedette. Ce sont les vedettes de la journée de dimanche au Heavy MTL. Motley Crue sur les ondes de la station des mélomanes, la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou! Say le groupe vedette de la journée du dimanche au festival Heavy MTL, Motley Crue, avec la pièce titre de leur album Dr. Feelgood de 1989. Et juste avant ça, on a entendu une autre pièce de cet album, Kickstart My Heart. Au début du blog, on a entendu Wild Side, une pièce tirée de l'album Girls, Girls, Girls de 1987. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classique qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste. Et en plus de ça, aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie du spécial Hard Rock et Metal, dans lequel on survole ces styles musicaux qui sévissent depuis une quarantaine d'années. Dans l'histoire du rock, le mouvement le plus important à avoir insufflé un deuxième souffle au rock à la fin des années 70, après l'invasion punk de 1977, c'est la vague de métal britannique qui a déferlé sur le monde. Évidemment, le groupe le plus important de cette vague, c'est la vedette du samedi soir au Heavy MTL. Iron Maiden, avec une pièce tirée de leur quatrième album, Peace of Mind de 1983, première composition de Bruce Dickinson pour Maiden, Revelations sur les ondes de la seule station à faire tourner du vrai rock et du vrai métal à Trois-Rivières. C'est fou!

Iron Maiden, avec la version spectacle de Heaven Can Wait, pièce qu'on retrouve sur leur album Array Live One de 1993. Apparemment que c'est un des moments forts de leur tournée actuelle, du spectacle de leur tournée actuelle. Juste avant ça, on a entendu Caught Somewhere in Time, pièce qui ouvre l'album Somewhere in Time de 1986. Et au début du bloc, on a entendu Revelations, une pièce qu'on retrouve sur leur album Peace of Mind de 1983. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classique, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste. Et en plus de ça, aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie d'un spécial hard rock et metal dans lequel on survole ces styles musicaux qui sévissent depuis presque 40 ans. Je vous parle maintenant d'un groupe obscur que j'ai commencé à vous présenter la semaine dernière. Je vous ai présenté leur premier album, en fait, excellent album, White Cats, de 1980. Je parle de la formation Tigers of Pantang, originaire de l'Angleterre, et qui, pour les connaisseurs, c'est un des groupes les plus fameux de la vague de métal britannique du début des années 80. Tigers, qui, à leur début, était un quatuor, mais qui, pour leur deuxième album, sont devenus un quintet. Ils ont mis le chanteur Jesse Cox à la porte. Jesse Cox, c'est un chanteur très moyen, mais pas très bon même. Et ils l'ont remplacé par un bon chanteur, John Deverill, en plus d'aller chercher un deuxième guitariste très talentueux, John Sykes. Ça a donné l'album Spellbound, qui est vraiment excellent. Un album plus accessible que le premier, mais tout à fait métal. C'est un album plus mélodique, plus abouti que le premier, mieux produit, plus peaufiné. L'album au complet est excellent. On va tout de suite écouter 3 pièces tirées de ce petit bijou du métal britannique. J'ai choisi ces 3-là, mais j'aurais pu prendre à peu près n'importe lequel, puisque elles sont toutes très bonnes. Tigers of Pantang sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la seule station diffusée du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou! Tigers of Pantang avec trois pièces tirées de leur deuxième album Spellbound de 1981. On vient d'entendre la pièce Blackjack. Juste avant, on a entendu Take It et au début du bloc, on a entendu la pièce Gangland qui ouvre l'album avec brio. L'album que j'aime vraiment beaucoup et que je conseille aux amateurs de métal anglais du début des années 80. C'est dans les meilleurs trucs qui se sont faits en Angleterre à cette époque-là. Malheureusement pour Tigers of Pantang, cette qualité exceptionnelle fut de courte durée et l'album suivant, Crazy Nights, c'était vraiment pas bon. Le guitariste John Sykes a donc quitté le groupe suite à ça. Il a rejoint Thin Lizzy et par la suite, il est devenu le guitariste de Whitesnake. C'est lui le grand responsable de l'album éponyme de Whitesnake en 1987 et du succès monstrueux que le groupe a remporté. Tigers of Pantang, eux, ont persévéré. Ils ont enregistré un album encore pire et absolument mauvais, intitulé The Cage, l'année suivante, en 83, je pense. Album tout à fait infect. Ils existent toujours, mais il reste seulement le guitariste original dans le groupe, Rob Weir. Ils ne soulèvent pas grand passion. C'est dommage parce que leurs deux premiers albums étaient vraiment très bons et très prometteurs. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classic qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste. Et en plus de ça, aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie d'un spécial hard rock et metal dans lequel on survole ces styles musicaux qui sévissent depuis une quarantaine d'années. Je vous parle maintenant d'un autre groupe très obscur. Je vous présente la formation belge Acid. C'est une des premières formations de metal à avoir émergé de l'Europe dans les années 80 et un des premiers groupes à mettre en vedette une femme, ce qui était vraiment exceptionnel à l'époque. Il y avait très peu de femmes dans le métal au début des années 80. Il y avait à peu près juste Girls' School. Faut croire que Girls' School ont inspiré la chanteuse Kate qui portait du cuir et une ceinture de balle et qui parlait de sexe et de Satan. Ça sortait de l'ordinaire. On était loin de Pat Benatar. Musicalement, Acid faisait un métal assez musclé. C'est pas loin du trash avant même que le terme soit inventé. Le premier album éponyme est sorti en 1982. Personnellement, c'est un album que j'aime pas tellement le premier. On y détecte des sonorités punk par bout. Par contre, le deuxième album, intitulé Maniac, est paru en 83, nettement supérieur et plus abouti. C'est dans ce qui se faisait de plus extrême à l'époque. On va tout de suite écouter trois extraits de ce disque de la formation belge Acid à l'antenne de la Radio Campus de Trois-Rivières, la seule station à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou! We'll be right back. une formation très obscure de Belgique, Acid, avec trois pièces tirées de leur deuxième album Maniac de 1983. On vient d'entendre la pièce America. C'était précédé de Bottoms Up. Et au début du bloc, on a entendu la pièce Max Overload qui ouvre le disque. Un bon disque de métal du début des années 80 et qui annonçait les premiers balbutiements du thrash. Ils ont fait un autre album par la suite intitulé Ancient Beast en 1985 que je n'ai jamais entendu mais qui n'a pas vraiment fait de vague d'après ce que j'ai lu. Ils ont disparu par la suite sans causer d'émoi, mais apparemment qu'ils demeurent le seul groupe de métal belge à avoir jamais connu un peu de succès outre frontières. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe très obscur, le premier album éponyme d'un très bon groupe hollandais paru en 1970, Earth and Fire. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classic qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste. Et en plus de ça, aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie d'un spécial hard rock et metal dans lequel on survole ces styles musicaux qui sévissent depuis presque 40 ans. Il y a un moment, je vous parlais de thrash. On va poursuivre avec le premier groupe, gros groupe d'importance à avoir été la figure de proue de ce mouvement. Metallica, sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock et du vrai metal à Trois-Rivières, la station des mélomanes de Trois-Rivières et la station des vrais amateurs de vrai rock. C'est fou! Dimension Rock Classique. Thank you. Metallica avec trois pièces tirées de l'album Ride the Lightning. On vient d'entendre la ballade Fade to Black. C'est le précédé de la pièce titre de ce deuxième album de Metallica paru en 1984. Et au début du bloc, on a entendu Fight Fire with Fire, la pièce qui ouvre le disque. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste. Et en plus de ça, aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie d'un spécial hard rock et metal dans lequel on survole ces styles musicaux qui sévissent depuis une quarantaine d'années. Le mouvement thrash a pris beaucoup d'essor dans la deuxième moitié des années 80 avec des groupes comme Megadeth, Slayer, Exodus et bien sûr Anthrax, qui sera sur la scène rouge du parc Jean-Drapeau dimanche dans le cadre du festival Heavy MTL sur l'île Sainte-Hélène. C'est ce qu'on écoute tout de suite sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières et du vrai métal. C'est fou! Mine is all that you desire. Why don't you back it up? Pour la douceur des dimanches matins, il y a les beautés du classique et la chaleur du jazz. La rencontre de deux univers musicaux, c'est ce à quoi je vous invite. Adagio pour un jazz, tous les dimanches de 9h à midi, à l'antenne de CIFU 89.1, la radio campus de Trois-Rivières. Je comprends vraiment rien. C'est quoi ça, un tétrocard? La connexion, c'est pas pour les humains, c'est pour les robots. La Connexion, c'est l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. C'est des nouvelles, des critiques, de la musique de jeu, des sites web et tellement plus. L'émission la plus rapide au monde, c'est La Connexion. En direct les mardis à 11h à CIFU 89.fm. CIFU.ca pour tout savoir sur notre programmation et nos animateurs. CIFU.ca, c'est de la balado-diffusion. CIFU.ca pour nous contacter. CIFU.ca pour nous écouter en direct sur le net. CIFU.ca, c'est fou ça! C'est fou dans vos oreilles! C'est fou dans vos oreilles! 89.

Anthrax avec la pièce Only qu'on retrouve sur l'album Sound of White Noise, le premier disque qu'ils ont enregistré avec l'excellent chanteur John Bush, qu'ils ont malheureusement tassé absolument pour rien il y a quelques années. C'est un certain Dan Nelson qui chante pour eux maintenant. Anthrax ont toujours eu de la difficulté avec leur chanteur. La première fois que je les ai vus en concert, c'était avec un dénommé Neil Turbin qui chantait sur le premier album A Fistful of Metal de 1984 et qui était très mauvais en spectacle. D'ailleurs, les membres de Anthrax l'ont mis à la porte après le concert au Spectrum de Montréal. Par la suite, ils ont connu la gloire avec Joey Belladonna, qui a apparemment un comportement de diva, un très mauvais caractère. Ils l'ont congédié pour aller chercher John Bush, qui a fait très bonne figure, mais question peut-être de retrouver leur gloire passée. Il y a quelques années, ils ont ramené Belladonna en tassant cette fois-là John Bush. Bien sûr, ça n'a pas marché encore une fois avec Belladonna et Anthrax est retrouvé sans chanteur. C'est ridicule. Juste avant Only, on a entendu A Skeleton in the Closet tiré de l'album Among the Living de 1987 quand le groupe était au sommet de ses capacités. C'est un des très bons concerts de métal que j'ai vu Anthrax sur la tournée Among the Living. Au début du bloc, on a entendu la pièce Antisocial, reprise du groupe français Trust qu'on retrouve sur l'album State of Euphoria de 1988. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classique, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste. Et en plus de ça, aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie d'un spécial hard rock et metal dans lequel on survole ces styles musicaux qui sévissent depuis une quarantaine d'années. Les choses ont évolué assez vite dans les années 80 et vers la fin de la décennie, ça s'est polarisé entre deux tendances, deux grosses tendances, c'est-à-dire le mouvement thrash et le mouvement glam qui était dans le fond la tendance pop du métal. Mais au-delà de ça, on a vu de nouvelles tendances se profiler. Faith No More est arrivé avec une forme de métal un peu avant-gardiste. On a vu arriver en force le black metal et le death, ainsi que des groupes comme Queensryche, Fate's Warning, Savatage et Dream Theater, qui ont formé ce qui est devenu le mouvement métal progressif, qui est le pendant ultra-technique du métal. Ça a donné naissance à un paquet de groupes du genre en Amérique du Nord et en Europe particulièrement. Une des formations les plus brillantes du genre est à l'affiche du Heavy MTL, la formation du New Jersey Symphony X, qu'on écoute tout de suite sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock et du vrai métal à Trois-Rivières. C'est fou! We'll be right back. CFOU.ca pour tout savoir sur notre programmation et nos animateurs. CFOU.ca, c'est de la balado-diffusion. CFOU.ca pour nous contacter. CFOU.ca pour nous écouter en direct sur le net. CFOU.ca, c'est fou ça! Tunisiana est fière d'ouvrir ses portes avec un concept unique. Couscous, tagine, poisson méditerranéen et grillade. Apportez votre vin et votre faim au Tunisiana, 3070 des Forges. Pour réservation ou événements spéciaux, 379-0123. Tunisiana. Si vous rencontrez une personne qui a la fibrose kystique, vous ne vous rendrez peut-être pas compte qu'elle est atteinte d'une maladie génétique mortelle. Parce que c'est de l'intérieur que la fibrose kystique tue. La fibrose kystique empêche les personnes atteintes de respirer normalement en détruisant graduellement leurs poumons. C'est la façon dont elles vivent et meurent. Pour en savoir plus, visitez fibrosekystique.ca et donnez-leur le souffle de vie. Juste avant la pause, on a entendu une excellente formation de métal progressif. Les Américains de Symphony X avec les trois pièces qui ouvrent leur très bon cinquième album, tout simplement intitulé Five. On a entendu d'abord Evolution, The Grand Design, suivi de Fallen et Communion and the Oracle. Cette semaine, c'était la sortie du tout nouvel album de Judas Priest. Grosse pointure dans le monde du métal, Judas Priest. Un album double concept intitulé Nostradamus. Premier album concept en carrière pour Judas Priest qui existe depuis le début des années 70. C'est selon eux leur projet le plus ambitieux de toute leur carrière. Il existe une édition spéciale de l'album pour collectionneurs qui est présentée dans un livre relié à couverture rigide. De très belles présentations. Rien à redire de ce côté-là. La production était faite avec soin aussi, comme d'habitude. C'est au niveau du matériel que ça cloche. On retrouve, entre autres, beaucoup d'intros qui brisent le rythme de l'ensemble et pas mal de mid-tempo sur l'album. Mais personnellement, je déteste les mid-tempo. C'est quelque chose qui ne devrait absolument pas exister dans le métal. C'est même anti-métal, dit mid-tempo. C'est vraiment un des pires albums que j'ai entendu depuis un bout de temps. Ça m'a ennuyé, ça m'a endormi. C'est vraiment décevant de la part de Judas Priest. À peu près la seule pièce qui a un peu d'allure sur le disque, c'est la pièce titre. Et elle arrive quasiment à la fin. En fait, c'est l'avant-dernière du deuxième disque. On va l'écouter tout de suite sur les ondes de la seule station à faire tourner du vrai rock et du vrai métal à Trois-Rivières. C'est fou! Cause my heart was strong. une des seules bonnes pièces du tout nouvel album de Judas Priest, la pièce titre Nostradamus, un disque que je n'ai vraiment pas aimé du tout. Si vous avez un album de Priest à acheter, perdez pas votre temps avec Nostradamus, achetez British Steel ou Unleashed in the East parce que je pense pas que Nostradamus va passer à l'histoire. C'est vraiment dommage de la part de Judas Priest. Vendredi prochain, avec Classique, je vais vous présenter un groupe très obscur de rock hollandais. Formation Earth and Fire, et non pas Earth, Wind and Fire, qui était un groupe de funk américain qui s'est transformé en groupe de disco quétaine au milieu des années 70. Earth and Fire, c'était un quatuor hollandais, et je vais vous présenter leur très bon premier album éponyme, qui est sorti en 70 et sur lequel on retrouvait une très bonne chanteuse. Je vais aussi vous présenter une nouveauté, le groupe canadien The Green Hour Band. Je vous laisse avec une dernière pièce. Il s'agit d'une pièce des Québécois de Voivode, la pièce Warriors of Ice, tirée de leur premier album éponyme, qu'est-ce que je raconte là? C'est War and Pain, le nom de l'album. C'est un classique du métal, c'est paru en 84. Voivode qui joue au premier festival de métal de Montréal dans la journée du dimanche 22 juin, première partie de Motley Crue. Et c'est le trifluvien Dan Mongrain, le martyr, qui va être à la guitare. Donc, une raison de plus d'aller applaudir et encourager notre Voivode national au Festival Metal. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve à 13h vendredi prochain pour une autre émission avec Classic. Salut!